Nouvelle-Calédonie. Energy 93.5. Bonjour, il est 6h, ravi d'être avec vous. Une nouvelle semaine commence. Les deux fêtes du jour sont celles de Damien et de Côme. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Les news avec Delphine Escanès, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. À Wailou, un conflit foncier entre deux tribus a dégénéré vendredi en fin de journée. Le bilan est lourd, 2 morts et 4 blessés. L'auteur des coups de feu est inconnu des forces de l'ordre. La légitime défense n'a pas été retenue. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Samedi après-midi, sur Lanzvata, 5 hommes ont été interpellés pour des violences également sur des policiers municipaux. Vendredi, en début de soirée, une conductrice ivre qui roulait en sens interdit a percuté une moto en centre-ville au niveau de la cathédrale. L'homme est entre la vie et la mort. Et puis l'association Enable a offert officiellement une prothèse en plastique réalisée grâce à une imprimante 3D. Un petit garçon de 10 ans, Mayeul, on en parle dès 7h. Une vague rose a déferlé en baie de Sainte-Marie pour sa 11e édition. La Nouméenne a réuni 2785 femmes. Les fonds, on le rappelle, sont destinés à la Ligue contre le cancer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce dimanche à New York pour débattre à propos de l'escalade militaire à Alep, en Syrie. Plusieurs pays ont profité de cette réunion pour dénoncer des crimes de guerre et l'implication de la Russie dans ce conflit. Aux USA, la pression monte avant le premier débat Trump-Clinton. Les sondages restent très serrés. Et puis au Gabon, 2 jours après la décision de la Cour constitutionnelle qui d'entériner la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle, la ville semble d'un calme fragile. Enfin, l'écrivain jordanien Naed Attar a été abattu dimanche par un homme armé alors qu'il se rendait au palais de justice d'Amman pour assister à une audience au cours de laquelle il devait répondre d'insultes à la religion. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Materio Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Le week-end à peine terminé, eh bien, on repart sur une semaine pleine de cadeaux avec le spectacle Elle, qui c'était les premières représentations ce week-end. Deuxième représentation vendredi, samedi et dimanche. À ne pas manquer Elle, qui. Et on aura l'occasion. T'as vu le spectacle ? Oui, vendredi soir. Alors ? J'ai beaucoup aimé. Très bien. C'est très fort. Oui. Je ris. C'est fort, voilà. Il y a des messages aussi ? Des messages très importants. Je peux te dire très fort, mais je vais me répéter. Non, voilà, allez le voir, je vous le conseille vraiment. Très bien joué, très beau décor. Voilà. Et ça se passe au Centre culturel du Mont-d'Or. Alors, on aura l'occasion de vous offrir des invitations ce matin. Et puis, sans plus tarder, voici Nemo Schiffman.

you and the moon and Neptune got it right. Cause now I'm shining bright, so bright. And I get lost in your eyes. Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the same constellation? Jupiter conspire to get me. I think you and the moon and Neptune got it right. I think you and the moon and Neptune got it right. I think you and the moon and Neptune got it right. Cause now I'm shining. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. L'infomédia du jour, c'est Charles Aznavour qui est de retour sur scène, mais oui, pas chez nous, mais ce sera en métropole. Le chanteur sera en effet sur la scène en décembre prochain. L'artiste âgé de 92 ans se produira les 21, 26 et 28 décembre à Paris, au Palais des Sports. L'année dernière, Aznavour avait déjà proposé plusieurs concerts dans la salle. « Si j'arrête la scène, je meurs », déclarait-il il y a quelques mois dans une interview accordée aux Parisiens. Mais l'inverse est vrai aussi. Hein. Ah oui, si tu meurs, t'arrêtes la scène. Content de le retrouver quand même. La banane, on la pêche. 92 balais. Nous, on va parler de scène également ce matin. Où il y aura des invitations. Vous pouvez déjà jouer. Vous pouvez déjà envoyer elle. Qui au 3511-231 font le SMS, puisque c'est le spectacle Elki qui se joue deuxième semaine, vendredi, samedi et dimanche au Centre culturel du Mont d'Or. Spectacle pour découvrir une famille plutôt pas banale qui a décidé cet été-là de partir en vacances tous ensemble pour la dernière fois avant que les filles s'envolent du nid. Seulement, ils sont loin, très loin de s'imaginer ce qui les attend. Fête qui tourne mal, musée labyrinthique. Ah oui, ça existe ça. Machine à café récalcitrante, pharmacie indiscret, etc., etc. Bref, vous allez vous délecter de ces situations improbables. Elle qui au 3511. Énergie Nouméa. 93.5. LNC, les nouvelles calédoniennes. Nouveauté des nouvelles calédoniennes. Vous, c'est le nouveau rendez-vous quotidien des nouvelles calédoniennes. Tous les jours, avec votre journal, retrouvez le nouveau cahier détachable Culture et Pratique, qui parle de spectacles, cinéma, cuisine, chasse, pêche, auto, moto et bien d'autres choses. Vous, le nouveau rendez-vous quotidien des nouvelles calédoniennes. 100% nouvelles, 100% calédoniennes et 100% vous. www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. Moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc. Connexion internet, fax et scan, cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification, cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne, derrière le musée de la ville. Ouais, j'ai gagné. Ça continue avec des gagnants toute l'année chez Shell. Et si c'était votre tour? Jusqu'au 17 mars 2017, remplissez votre bulletin de jeu dans les stations Shell et Pacifique pour gagner 4 Ford Ranger, 4 iPhone, 4 iPad et des bons de carburant. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible à SSP. Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du 29 septembre. Vous voulez un secret pour vendre facilement vos jeux vidéo, votre matériel informatique, vos bijoux, bref, convertir tous vos objets en cash? Eh bien, approchez-vous, là, près du poste. Ça y est? Allez dans le magasin Cash Converters qui vient d'ouvrir près de chez vous. Ils convertissent tous vos objets en cash! Ah oui, ça surprend. Cash Converters convertit tous vos objets en cash! Nouveau Cash Converters à Ducos. 11 route de la Baie des Dames. www.cashconverters.nc. Il vous reste encore quelques jours pour bénéficier de l'offre spéciale Festival de l'Auto chez Peugeot. Jusqu'au 30 septembre, c'est jusqu'à 300 000 francs de remise sur le Crossover 2008 et une offre de loyer à partir de 45 200 francs par mois. Voir conditions en concession. Ménard Automobile, 41 44 70. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre. Vivez votre aventure. Le point établi par Météo France, ben ce matin, le soleil brille sur le pays malgré quelques bancs de nuages bas sur l'extrême sud et le sud des Loyautés en matinée. Le vent de secteur ouest à nord-ouest souffle entre 10 et 15 nœuds, localement 15 nœuds sur le sud. Il est faible sur l'est et les Loyautés, puis des brises thermiques s'établissent sur l'est autour de 10 nœuds. Pour l'après-midi, le soleil reste bien présent sur le pays. Toutefois, quelques bancs de nuages inoffensifs circulent sur le sud-ouest. Et les températures maximales sont stables. Hein. On est comme la semaine dernière, 26 à 30 degrés, voire 31 par endroit. Mardi, le soleil domine malgré largement sur l'est et les Loyautés, alors que quelques nuages circulent sur le reste du pays, ne donnant que de rares ondées en début de matinée. Puis même chose, vendredi, ce sera encore une journée bien ensoleillée malgré quelques passages nuageux sur l'ouest cette fois-ci et le sud, toujours en matinée. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Give up. couldn't take any more of your batting blow. No, no. I said your batting blows, yeah. It's got me moving slow, moving slow, slow. A universal, universal tribulation. I feel it and I know it. It is a universal, universal. Misunderstanding once, but let's journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28-0404. Journée européenne des langues en ce 26 septembre, et puis c'est aussi la journée mondiale de la contraception. Allez, le temps de souhaiter une bonne fête à Côme et à Damien. C'est l'heure maintenant de retrouver les infos avec Delphine. Il est 6h30. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. On en sait un peu plus sur le scénario de la fusillade de Wailou. Un conflit foncier entre deux tribus a dégénéré vendredi en fin de journée et le bilan est lourd. 2 morts et 4 blessés. Alors vendredi, un membre du clan a jeté des viscères dans la rivière après un coup de chasse. Non loin de là, des enfants de la tribu voisine se baigner. En représailles, ces derniers ont bloqué l'accès à l'autre clan. Le ton est alors monté. Un des membres a été blessé par un objet contondant à la tête et a eu le fémur cassé. Un autre s'est alors saisi donc d'une arme de calibre 12, a fait feu sur des hommes qui étaient en train de frapper son père. Alors deux d'entre eux, âgés de 54 et 52 ans, se sont alors été mortellement touchés. Trois autres ont été blessés. L'auteur des coups de feu est inconnu des forces de l'ordre. C'est un chauffeur de bus qui s'est donc rendu aux gendarmes. Pour le procureur Alexis Bourreuse, la légitime défense ne peut pas être retenue. Hier soir, il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Le calme est revenu, mais la tribu tue est encore sous le choc. Et puis, le petit coup de main de Inable. Vendredi après-midi, l'association de Inable Nouvelle-Calédonie a offert officiellement sa première main à Mayol, un jeune de Lifou de 10 ans. Le garçon est né avec une petite main, comme il l'appelle. L'appareil qu'il a reçu vendredi est une prothèse en plastique entièrement créée avec une imprimante 3D. Les doigts de la main se plient, permettent de serrer des objets comme un verre à eau ou encore une planche à voile. Une révolution dans la vie des enfants et des parrainables. L'association qui est toute jeune a de beaux jours devant elle puisque vendredi, les nouvelles demandes d'appareils sont nombreuses. Une vague rose a déferlé en baie de Sainte-Marie pour sa 11e édition. La Nouméenne a réuni 2875 femmes. Quelques hommes s'étaient grimés de perruques pour cette course dont les fonds sont destinées à la Ligue contre le cancer. Un grand succès quand on sait qu'en 2004, elles étaient seulement 80 à y participer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce dimanche à New York pour débattre à propos de l'escalade militaire à Alep en Syrie. Depuis plusieurs jours, la ville est sous les bombes du régime et de la Russie qui vise les quartiers rebelles. Ces bombardements ont fait au moins 115 morts, dont 19 enfants. Plusieurs pays ont profité de cette réunion pour dénoncer des crimes de guerre et l'implication de la Russie dans ce conflit. Aux USA, le premier débat présidentiel, combat de titans qui opposera lundi la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump, est l'un des points forts de la campagne à 6 semaines du scrutin du 8 novembre. Le débat pourrait battre des records d'audience vu les personnalités aux antipodes de Donald Trump et d'Hillary Clinton. Enfin, l'écrivain jordanien Ned Attar a été abattu dimanche par un homme armé alors qu'il se rendait au palais de justice pour assister à une audience au cours de laquelle il devait répondre d'insultes à la religion. L'assaillant est un prédicateur musulman, un homme barbu, vêtu de l'habit traditionnel des salafistes sunnites qui observent une pratique puritaine de l'islam. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25. Understood by no one. Can it be that I hear what he's saying? Is there a reason why I'm still awake? And he says, I've got you written in a black book on a railroad track. You see, I know your fate. And I said, you've got to listen. I'm a songbird with a brand new track. You for the ghost in the afternoon. Tragedy has a hold on my mind, but I can see the light between the lines. I say, you've got to listen. I'm a songbird with a brand new track you underestimate. Ooh, I'll give you something to believe in. Burn up a basement full of demons. Realize you're a slave. la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Et avant l'horoscope, on joue. Énergie et la compagnie Caravan Spoutnik vous proposent le spectacle de théâtre. Comique. Mais pas que. Elki, au Centre Culturel du Mont d'Or. Elki, au 3511. 231 pour le SMS. Et oui, vous jouez pour une invitation pour ce vendredi au Centre Culturel du Mont d'Or. Je vérifie si la date est bien celle-ci. Et sur cette feuille-là, oui. C'est pour le 29, c'est quand? 29 décembre. 29 septembre. Pour jeudi? Ah bon? Eh ben oui, pour jeudi, bah parfait. Jeudi soir au Centre Culturel du Mont d'Or, une invitation pour deux personnes. Le spectacle Elle, qui donc cette famille qui va se retrouver dans des situations très étranges et bizarres. Donc ce n'est pas que comique, mais c'est aussi pour se délecter de situations plus improbables les unes que les autres. Envoyez Elle qui au 3511 231 francs le SMS. Jour, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Bellevue. Bonjour à tous, bon lundi, l'horoscope ce 26 septembre. On commence avec les béliers, les conditions idéales sont réunies pour vivre une belle aventure dans votre vie quotidienne. Taureau, les rapports de séduction continuent de s'installer entre vous et les personnes qui font partie de votre entourage. Gémeaux, vous cherchez à entretenir l'ambiguïté et vous ne dévoilez pas vos sentiments. De la romance flotte dans l'air. Les cancers, savourez ces moments sensuels qui font briller vos yeux. Dès ce lundi, les lions, vous êtes en train de jouer une carte importante pour l'avenir. Vierge, soyez réservés dans vos confidences car la jalousie n'est pas bien loin. Balance, vous limitez les excès des derniers jours et reprenez le contrôle. Gardez le tonus et votre priorité. Scorpion, l'harmonie s'installe pour de bon dans le couple. Sagittaire, les bonnes énergies de Mars vous insufflent de nouvelles envies. Vous prenez votre courage à demain. Capricorne, impossible pour vous d'agir dans l'urgence. Vous devez considérer toutes les issues possibles. Verseau, vous décidez de mettre votre vie sentimentale entre parenthèses pour vous dévouer totalement aux autres. Et les poissons, vos efforts ont payé. Aujourd'hui, vous semblez plus serein quand il s'agit de discuter de votre avenir professionnel. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Bellevue. Volleyball, battling each other like Galactica. Girl, our love could be spectacular, but we crash like vehicular. Homicide, I know why you're sick of us. Brother with tricks, that's quick to trick on ya. I know you want more than a... You want a good to stick with ya. I'll stick with ya and perfect my love. I'll protect ya, girl, if you give one me just... One more chance, this time around I get it right, I know. One more chance, let me undo what I've done before. New way, put it on replay. Spin around around like a DJ. Forever and ever and always. All endeavor got me sure like Al, babe. Yesterday got you feeling a little salty. Girl, I promise I'ma love you all the way to the end. L-O-V-I-N. Girl, I'm serious, no more pretending. I receive all the love you're sending. I'll give my all if you give me just one more chance. This time around, let's have a different flow. A new never done before. Cause I don't wanna do the same mistakes that I made yesterday. I love you. just think that I'm a player. You gon' see that love is greater. If not now, then maybe later. Cause endlessly, enormously, you will see my L-O-V will be strong until the end. Baby, give me one more chance. C'est à moins 10. Vite, le Morning Energy. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Je vous parle du prénom de Damien dans un instant, et puis on reparle du cadeau ce matin. Authentique, plutôt introverti, les Damiens apparaissent au premier abord, doux, calme, réservé, peu expressif et possède un bon contrôle d'eux-mêmes. Damien en chiffres, eh bien, c'est un prénom peu fréquent, mais sa meilleure année, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 1985, avec 6585 naissances de Damien quand même. En 2013, seulement 287 les autres. Alors, c'est parfois drôle, souvent drôle, mais pas que. Et vous pouvez participer à ce spectacle en tant que spectateur dans les bons fauteuils du Centre culturel du Mont d'Or. Envoyez elle qui au 35 ans, on tirage au sort tout à l'heure à 7h10. Énergie Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Sawadika, Kanikata et bien-être au quartier latin de 9h à 20h du lundi au dimanche au 29 89 89 et sur Facebook. Parking assuré. Comment résister à la tentation d'une glace Magnum ? En août, CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage, moi le messager, oh ! Chérie, je suis rentré des courses. Alors, voyons si tu n'as rien oublié. Mes yaourts 0%, les sodas 0%, mes céréales 0%. Mais c'est quoi cette voiture ? dance so you do. We're feeling so good, just the way that we do when it's 90 afternoon. Tout le monde l'a bien écrit. Elle qui, au 35-11, tirage au sort à 7h10. Hein, vous gagnez deux invitations pour le spectacle de jeudi prochain à 20h. Il est 7h dans la radio. Syrie sombre sous les bombes. Le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence. Nous sommes le 26 septembre. Bonjour Delphine. Bonjour JB. Bonjour tout le monde. Et on en sait plus sur le scénario de la fusillade de Wailou. Un conflit foncier entre deux tribus a dégénéré vendredi en fin de journée. Le bilan est lourd. 2 morts et 4 blessés. Tout début de vendredi lorsque le membre d'un clan a jeté des viscères dans la rivière après un coup de chasse. Non loin de là, des enfants de l'autre tribu se baignaient en représentative de meurtre. Le calme est revenu, mais la tribu, elle, est sous le choc. Par ailleurs, des policiers municipaux ont été pris pour cible. Samedi après-midi, sur Lanzvata, 5 hommes ont été interpellés pour des violences sur des policiers municipaux. 2 mineurs connus des services de police, 3 majeurs totalement inconnus. Les faits se seraient déroulés sur fond d'alcool. Des gendarmes en civil ainsi que des passants seraient intervenus en voyant les policiers municipaux être frappés. La garde à vue des interpellés a été prolongée. Grave accident en plein centre-ville. Vendredi, en début de soirée, l'attitude excentrique d'une conductrice a attiré l'attention. Le garçon est né avec une agénésie de la main. L'appareil qu'il a reçu est une prothèse en plastique entièrement créée avec une imprimante 3D. Elle s'intègre dans le prolongement du bras de l'enfant et celui-ci l'actionne avec le mouvement du poignet. Les doigts de la main se plient et permettent alors de serrer des objets comme un verre à eau. Avec cette main, ça bouleverse pas mal de choses. Et je pense que lui aussi, ça le bouleverse. C'est pour ça qu'il est très ému. Puisque depuis vendredi, les nouvelles demandes d'appareils sont nombreuses. Une vague rose a déferlé en baie de Sainte-Marie. Et pour ça, 11e édition, la Nouméenne a réuni 2875 femmes, quelques hommes étaient grimés de perruques pour cette course hein, dont les fonds sont destinés à la Ligue contre le cancer. Un grand succès hein, quand on sait qu'en 2004, elles étaient seulement 80 à y participer. En Syrie, l'ONU dénonce des crimes de guerre. Le régime syrien et son allié russe de poursuivre une solution militaire en Syrie et de se servir des négociations comme d'un écran de fumée. Aux États-Unis, la pression monte avant le débat Trump-Clinton. Le premier débat présidentiel. Le combat de titans qui opposera lundi la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump est l'un des points forts de la campagne. À 6 semaines du scrutin du 8 novembre, le débat pourrait battre des records d'audience vu les personnalités aux antipodes de l'un et de l'autre. Il est d'autant plus crucial qu'à 6 semaines de l'élection du 8 novembre, les sondages restent très serrés. Le dernier en date de dimanche donne les deux candidats dans la marge d'erreur avec 46% des intentions de vote pour Hillary Clinton et 44% pour Donald Trump. Au Gabon, le bras de fer entre Bongo et Ping se poursuit. Et dimanche, des dizaines de barrages hérissaient encore Libreville afin d'étendre au plus vite la moindre contestation. 2 jours après la décision de la Cour constitutionnelle entérinant la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle, la ville semble d'un calme fragile. On se méfie encore et l'on redoute des rixes et le sang qui avait marqué début septembre l'annonce des résultats provisoires. Un écrivain abattu en Jordanie. Ned Attar a été abattu par en donner les prix pour les anti-Nobel. Alors ce sont des sujets qui font rire puis réfléchir. Notamment, tiens-toi bien, le prix de la reproduction, c'est quand même à Harvard, hein, c'est très sérieux. Il est allé à un chercheur de l'université du Caire pour ses travaux sur la sexualité des rats en pantalon. L'étude dont la publication remonte à 1993 avait conclu qu'un rat qui portait un pantalon contenant du polyester était moins actif sexuellement que ceux faits uniquement de laine ou de coton. Bon, dommage, le chercheur est décédé en 2007, il n'a pas pu recevoir son prix. Il a raté son prix. Il y a eu 10 autres lauréats. Alors, c'est quand même des vrais Nobel. Oui. Il a raté son prix. Oui. C'est des vrais prix Nobel qui remettent aux anti-Nobel. Catégorie biologie, le Britannique Thomas Thwaites, il a reçu le prix pour avoir passé 3 jours dans la peau d'une chèvre. Très sérieusement, il avait fabriqué des prothèses qui lui permettaient de marcher longtemps à 4 pattes avec des mouvements comparables à ceux d'une chèvre, y compris en pente. Il faut savoir qu'ils ne sont peut-être pas sortis de leur vie de chèvre ou de blaireau. Hein. Wow. Pas mal en tout cas. 7h08, bonne matinée, bon réveil à tous. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie.

Et hop là, un numéro de téléphone choisi par l'ordinateur parmi les SMS qui nous sont parvenus ce matin pour Allô le spectacle. Bonjour, on est en direct sur Énergie. Oui, bonjour. Oh, la voix n'est pas encore tout à fait chaude. Tu fais des Pardon, ça vient d'arriver au travail. Oh, bon, je peux rappeler demain si tu veux, non? Non, ça va. C'est bon pour le spectacle Elki, donc, qui se jouera à partir de ce jeudi, vendredi et samedi au Centre culturel du Mont d'Or. Une invitation pour deux personnes. Voilà. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Allez, on va faire connaissance. Quel est ton prénom ? Lauriane. Lauriane, et pour découvrir cette pièce, alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est sur le rôle des femmes dans notre société, en couple, en travail, entre elles, en famille, tout simplement dans le quotidien, empreint de tradition. Il y a des moments sérieux, il y a des moments très drôles, et c'est le dernier week-end de représentation. Attention, jeudi, vendredi, c'est à 20h, et samedi à 18h. Lauriane, va falloir choisir quelqu'un qui va t'accompagner. T'as du monde dans ton entourage ? Oui, bah, j'en travaille avec ma sœur ce week-end, on voulait y aller, donc voilà, et ça tombe bien. Et parfait, c'est gagné donc pour les places, bravo. Pour tout renseignement, bien, vous allez sur www.iticket.nc. Ravi de te faire ce cadeau, et puis profite bien de cette belle représentation. Lauriane, tu ne raccroches pas ? Merci, oui. Bonne semaine ! Merci beaucoup. iticket.nc pour réserver vos places. Ou alors 41 90 deux fois. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Qu'avez-vous prévu pour les prochaines vacances scolaires d'octobre ? Inscrivez vos enfants au stage de l'école de cirque de Nouvelle-Calédonie. Ils ont entre 6 et 14 ans. Faites-leur découvrir les arts du cirque dans les règles de l'art. Acrobatie, jonglage, équilibré aérien. Deux périodes de stage sont proposées à la salle Ernest Véret à Nouméa. Renseignements et réservations au 28 76 78. Concentration, montée d'adrénaline, excitation... Allez, c'est gagné. Jeu NC s'invite chez vous. Tentez de gagner des cadeaux exceptionnels et raflez notre jackpot, un abonnement internet à vie. Rendez-vous sur jeunc, www.jeu.nc. Faites de jeu.nc votre quotidien. Jeu.nc, plus qu'un jeu, une passion. Chérie, j'ai quelque chose à te demander. Oui, à quel sujet ? Et si on devenait propriétaire ? Ah, tu m'as fait peur. T'as complètement raison. C'est le moment d'investir. En plus, en ce moment, c'est l'opération BCI Immo. Jusqu'au 30 novembre, la BCI propose des conditions de crédit exceptionnelles. Pour plus d'infos sur l'offre BCI Immo, contactez le 256 990, voire conditions de l'offre en agence. BCI, ensemble, voire plus loin. Ça y est, je me suis fait un plan à 3. Non ! Si, si ! Et alors ? Bah trop bien ! Et en plus, j'ai fait des économies. Des économies ? Mais oui ! Quand on le fait à plusieurs, c'est moins cher. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et à 4, c'est encore mieux. Oh bah je te connaissais pas comme ça. Va voir sur covoiturage.nc, tu comprendras. Sur quoi ? Covoiturage.nc. Ah ! Ok ! Le covoiturage, pour moi, pour toi, pour nous. Attention, ce sont les derniers jours pour envoyer Mel à Nice. Mais non, c'est pas Mel à Nice qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo ! Envoie Melbourne au 411. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 411. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 411. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Attention, ce sont les derniers jours. Tirage le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Dundéa fête la jeunesse samedi 8 octobre au skatepark de Coutio avec la deuxième édition du Big Up Day de 10h à 17h. Battle de hip-hop, contest de street foot et street basket, atelier graph, DJ live et bien plus encore avec de nombreux lots à gagner. Nouveauté cette année, la Big Up Race. Viens déguisé et équipé de ton engin à roulettes préféré pour tenter de gagner un skateboard électrique. Le Big Up Day, c'est le 8 octobre au skatepark de Coutio. Plus d'infos sur la page Facebook Big Up Dundéa, événement en partenariat avec Énergie. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. À suivre, Vianney sur Énergie, je te déteste. D-E-C-E-S,

C'est Arcade Fire à l'instant sur Energy. Le titre Ready to Start. Tous les matins de la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Energy. Avec Matériau Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Voilà, si vous avez raté tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes, c'est Lauriane qui a gagné les deux invitations pour le spectacle Elki au Centre Culturel du Mont d'Or. Attention, cette semaine, c'est jeudi et vendredi à 20h, samedi à 18h. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Il est 7h30, retour de l'info avec Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. On en sait un peu plus sur le scénario de la fusillade de Wailou. Un conflit foncier entre deux tribus a dégénéré vendredi en fin de journée. Le bilan est lourd, 2 morts et 4 blessés. Vendredi, un membre du clan a jeté des viscères dans la rivière après un coup de chasse et non là, eh bien, des enfants de l'autre tribu se baignaient. Le ton est monté jusqu'à ce qu'un homme se saisisse d'un calibre 12 pour tirer sur des hommes qui étaient en train de frapper son père. Deux d'entre eux âgés de 54 et 52 ans sont alors mortellement touchés et 3 autres blessés. L'auteur des coups de feu étant chauffeur de bus. Jusqu'à présent, il était inconnu des forces de l'ordre. C'est lui qui s'est rendu aux gendarmes. Pour le procureur Alexis Bourros, la légitime défense ne peut pas être retenue. Hier soir, il a donc été placé en détention provisoire au camp Est et mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Le calme est revenu, mais la tribu, elle, est sous le choc. Le petit coup de main de Enable, vendredi après-midi, l'association Enable Nouvelle-Calédonie a offert officiellement sa première main à un jeune de l'IFU de 10 ans, Mayeul. Le garçon est né avec une petite main, comme il l'appelle. L'appareil qu'il a reçu vendredi est une prothèse en plastique entièrement créée avec une imprimante 3D. Et l'association qui est toute jeune a de beaux jours devant elle depuis vendredi. Les nouvelles demandes d'appareils sont nombreuses. Une vague rose a déferlé en baie de Sainte-Marie pour sa 11e édition. La Noumène a réuni 2875 femmes. Quelques hommes s'étaient grimés de perruques pour cette course dont les fonds sont destinés à la Ligue contre le cancer. Un grand succès quand on sait qu'en 2004, elles étaient seulement 80 à y participer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce dimanche à New York pour débattre à propos de l'escalade militaire à Alep en Syrie. Depuis plusieurs jours, la ville est sous les bombes du régime et de la Russie qui vise les quartiers rebelles. Plusieurs pays ont profité de cette réunion pour dénoncer des crimes de guerre et l'implication de la Russie dans ce conflit. Le premier débat présidentiel aux États-Unis, combat de titans qui opposera lundi la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump, est l'un des points forts de la campagne à 6 semaines du scrutin du 8 novembre. Le débat pourrait battre des records d'audience vu les personnalités aux antipodes de Donald Trump et d'Hillary Clinton. Il est d'autant plus crucial que les sondages donnent les deux candidats dans une marge d'erreur avec 46% des intentions de vote pour Hillary Clinton et 44% pour Donald Trump. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Dis-moi quoi tu penses, Léa. Je scruterai les silences de ta voix. Dis-moi quoi tu penses, Léa. J'accrocherai mes branches autour de toi. Dis-moi ce qui te dérange, Léa. La vie est étrange parfois. Dis-moi quoi tu penses, Léa. Si tu ne veux pas sourire, c'était hier qu'on roulait vers le soleil. C'était hier qu'on levait les yeux au ciel. C'était hier. Dis-moi quoi tu penses, Léa. J'écraserai les souffrances que tu ne vois pas. Dis-moi quoi tu penses, Léa. Si tu ne veux pas sourire, c'était hier. Yeah. doucement, les yeux fermés, je m'entraîne. Lentement, les yeux figés, je m'entraîne. C'était Rendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Alors certains artistes ont besoin d'être présentés, d'autres le font non pas parce qu'ils sont connus, mais ils le font eux-mêmes sur scène. C'est le cas de Nilsson José. C'est la première fois qu'on l'entend justement dans notre gag sur énergie. Profitez bien du moment. On va commencer rapidement, on va détendre l'atmosphère rapidement. Petite question pour savoir un peu qui vous êtes, public de gauche ou de droite? J'aime bien poser la question parce qu'on joue pour la gauche. C'est super bien vu, mais quand je joue pour la droite, je suis payé, alors. Public de gauche, voilà. Bien, je m'appelle Nilsson, et comme vous avez pu le remarquer, je suis... Ça commence avec un N. Je suis... Wow. Nantais. Vous vous attendez à quoi? Est-ce que je rentre sur scène en disant « Eh, dis donc, bonjour tout le monde, eh. Ça fait plaisir d'être ici, premier gaou, n'est pas gaou. » À la base, j'ai été adopté. Pour moi, c'est très important, la famille, n'est-ce pas? Oui. C'est très important, la famille. D'autant plus que moi, j'ai été adopté. Pour moi, la famille, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah. Quand ils frappent à la porte, on ne sait jamais comment s'en débarrasser. D'autant plus que moi, j'ai été adopté. C'est bien quand on est adopté. Être adopté, c'est un peu comme si j'avais gagné au loto. Mais quand je regarde ma famille, je me dis, tiens, j'aurais dû jouer au morpion. Parce que mon père occidental, André, il n'arrête pas de m'afficher comme un vrai trophée de chasse. En fait, il me prend pour un pygmée Discovery Channel. La seule personne, dès qu'il y a des invités à la maison, il m'oblige à chanter la musique de Ray Charles. Vous vous pointez chez moi, vous me verrez. It's a road jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. It's a road jack, don't you come back no more. Et vous, vous applaudissez, vous. Mon père est un fou, hein. Mais figurez-vous car derrière chaque fou se cache une folle. Mon frère. Oui, mon frère, il est homo. C'est l'esprit de Nabila dans le corps d'Éric Zemmour. Je me souviens le jour de son coming out, quand il est venu à la maison et qu'il nous a présenté son copain, Christopher, un CRS, père de deux enfants. Papa, Chris, Chris, papa. On va se marier. Mon père. Ma mère. Je vais aller chercher les boules. Et moi dans tout ça, un invité. What you say? Dans ma famille aussi, mon grand-père Jean-Paul. Alors mon grand-père, lui, il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Quand on a su ça, on a dû le placer en maison de retraite pour des questions de sécurité. Et j'ai du mal à aller voir mon grand-père. Pourquoi? Parce que toute ma famille est blanche. Je suis le seul noir. J'ai été adopté, mon grand-père, il a Alzheimer. Je vous dis pas sa gueule. À chaque fois qu'on lui dit que je suis son petit-fils. C'est mon petit-fils, celui-là. Et ben, il est drôlement bronzé, hein. Ah, si, si, je sais comment il s'appelle, Kirikou. Mon grand-père, grand amateur d'histoire, il me parle souvent de la Gaule alors que lui, il a du mal à la voir. Et puis, bien sûr, la pièce maîtresse dans chaque maison, c'est... La... On m'a dit la chambre, là-bas. J'ai entendu aussi la cuisine chez Schmitt, ça n'a rien à voir. Ma mère était la femme parfaite. Jusqu'au jour où quelqu'un sonne à la porte, ma mère. J'y vais. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, vous vous appelez Jacqueline et vous êtes la maîtresse de mon mari. Eh ben, deux minutes, hein. André. André, est-ce que tu peux venir deux minutes, s'il te plaît? Il arrive. Et ramène une valise. Dis-moi, est-ce que tu connais cette femme? Mon père. C'est bien ce que je pensais. Prends la route, André. Elle ne revient jamais, jamais, jamais, jamais. Prends la route, André. Elle ne revient jamais, Nilsson. What you say? Et depuis ce jour, ma mère, elle a complètement changé. De toute façon, toute femme change à chaque fois qu'elle s'entraîne, n'est-ce pas, mesdames? Oui. Mesdames étaient... Ma mère était dans son coin. First I was afraid. I was petrified. If you belong, but I believe without you. C'est bien, il y a des cocus dans la salle, on va pouvoir s'amuser. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Balls. Let me make you come again. Hush, hush, hush, don't tell no one. Undercover, Mr. Lover, yeah. Got enough to turn you on. Squeeze your tight, cause I promise if you let me go, I'ma do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till I daylight.

Ah non, Van der Kroot ne se réfugie pas derrière un énième stéréotype discriminant sur les nationalités, mais sur des statistiques. S'il n'y a qu'un à 2% de rouquins en Europe, chez les Scottish, on atteint 8% de la population. Il y a de quoi voir rouge. En plus d'être radin et de manger de l'estomac de porc farci, l'Écossais est roux. Ah, il collectionne. Do you have a problem? Ah, non, tétôle, bien les roux, j'adore la vilaine fermière. Mylène Farmer. C'est une étudiante en génétique humaine qui a dressé l'équation suivante. Prédisposition génétique plus temps de chien égale roux en pagaille. En effet, si l'homme est apparu il y a 3 millions d'années, le roux, lui, est plus récent. Les premiers poils de carotte étant apparus dans le nord de l'Europe il y a 20 000 ans seulement. Le manque de soleil et les longs hivers feraient donc se développer la souche rousse qui sommeille en chacun de nous. A contrario, plus il fait beau, plus il fait chaud, moins il y a de rouquins. Bah oui, vous avez déjà vu un rouquin ou un blondinet en Côte d'Ivoire, vous? Oui, il triche. Mais la rousseur est également une affaire de gènes. La caractéristique rousse, très présente chez les Celtes, s'est transmise au fil des générations. Et comme les Écossais n'aiment pas trop se mélanger, ils cultivent la rousseur entre eux. Enfin, sachez que les rouquins ont de super pouvoirs. Hein, lesquels? Ils volent avec un balai. Essayez plutôt, stagiaire Bernardin. Allez, par la fenêtre. Ah ben là, je prends pas, monsieur Balai. Oh, bah pourtant, votre cousin Harry Potter y arrive, lui. Vous saurez tout dans la minute du professeur Van der Kroot. Avec Cuisine Plus, chez Socaport Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. I'll never quite understand why we love to carry on wars as we do. And I haven't yet opened the doors that your bullets are already flying through. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other. And I'm sorry if I disappoint you so. And I'll never know where to stand when all your breaks loose. And I haven't yet said a word that retaliation troops are on their way. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard. Oh, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other. And I'm sorry if I disappoint you so. Excuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I'm no one knows the other. And I'm sorry if I disappoint you. Honey, you're so quick to skip.

L'info avec Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. À Wailou, un conflit foncier entre deux tribus a dégénéré vendredi en fin de journée. Le bilan est lourd, 2 morts et 4 blessés. L'auteur des coups de feu était inconnu des forces de l'ordre. La légitime défense n'a pas été retenue. Et puis samedi après-midi, sur Lansvat, 5 hommes ont été interpellés pour des violences sur des policiers municipaux. Vendredi, en début de soirée, une conductrice ivre qui roulait en sens inverse a percuté une moto en centre-ville au niveau de la cathédrale. L'homme est entre la vie et la mort. Et puis l'association Enable a offert officiellement sa première prothèse en plastique réalisée grâce à une imprimante 3D. Et c'est un petit garçon de 10 ans de Lifou qui en a bénéficié. Une vague rose a déferlé en Baie-de-Sainte-Marie pour sa 11e édition. La Noumène a réuni 2875 femmes. Les fonds, on le rappelle, sont destinés à la Ligue contre le cancer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce dimanche à New York pour débattre à propos de l'escalade militaire à Alep en Syrie. Plusieurs pays ont profité de cette réunion pour dénoncer des crimes de guerre et l'implication de la Russie dans ce conflit. Aux USA, la pression monte. Avant le premier débat, Trump-Clinton, les sondages restent serrés. Au Gabon, 2 jours après la décision de la Cour constitutionnelle entérinant la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle, la ville semble d'un calme fragile. Et puis enfin, l'écrivain jordanien Naed Attar a été abattu dimanche par un homme armé alors qu'il se rendait au palais de justice pour assister à une audience au cours de laquelle il devait répondre d'insultes à la religion. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Pour débuter la 7e journée de Ligue 1. Et Marseille a mis fin à une série de 3 matchs sans victoire en dominant Nantes. 2-1, c'était au Vélodrome. Tout à l'heure pour nous, Ndié et Gomis ont marqué. L'OM remonte à la 13e place, le FCN est 18e. Et puis privé de Mario Balotelli, Nice s'est imposé 1-0 à Nancy. Sombrié et a donc repris la tête du championnat à Monaco. Des buts de Béric, Nordine et Roux ont offert la victoire à Saint-Etienne contre Lille. 3-1 également ce dimanche. Ce matin pour nous, le LOSC est désormais dernier du championnat. Les Verts ont remonté à la 7e place. En tennis, premier titre pour Lucas Pouille. Eh oui, le jeune Lucas Pouille de 22 ans a remporté dimanche l'Open de Moselle, son premier titre sur le circuit ATP. Victorien de l'Autrichien Dominic Thiem, 10e joueur mondial. C'était donc en finale 7-6, 7-5, 6-2. Le 18e joueur mondial et espoir du tennis français reste donc sur une bonne dynamique depuis son quart de finale surprise à l'US Open au mois d'août où il avait battu Rafael Nadal. Dans le top 14, Mourad Boudjelal, le président de Toulon, envisage un départ à la fin de la saison. Et ce n'est même pas de la colère post-défaite puisque son RC Toulon a battu Clermont dimanche en top 14, mais il semblerait bien que Mourad Boudjelal pense à quitter le rugby, ou en tout cas la présidence de son club qu'il a pris en Pro D2 pour en faire un triple champion d'Europe. Il y a de fortes chances que ce soit ma dernière année, a-t-il expliqué après le match. Du basket avec la proie et Le Mans a souffert. Et oui, Le Mans qui comptait 16 points d'avance à la mi-temps de son match contre Strasbourg dimanche s'en est finalement sorti difficilement, 73-71. C'était un match à domicile. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec FitZone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Bonjour, bonjour et bon lundi. Oh, JB recommence la semaine avec un gros bâillement dans le micro. Ah bah c'est le week-end pour moi maintenant. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Bah c'est tranquille, ah. La semaine. 2 heures de boulot, après j'ai rien à faire. Oui, t'as couru la Noméenne. Qu'est-ce que t'as fait encore ? T'as fait plein de choses. Oui, de la magie. Voilà, de la magie. Ah, c'était bien ? Ah, superbe. Ah. Bravo. Ouais, t'as disparu et t'es revenu, c'est ça ? À peine apparu. Et le lapin va bien ? Il était bon. De toute façon, ce qui fait le goût du lapin, c'est la sauce. C'est la moutarde. Bah ouais. Il y avait beaucoup d'enfants ou quoi ? Ah, mais beaucoup de grands aussi. Et ah ouais, bien. C'est ouais, bien. Hein, comme quoi, nous, on aime bien la magie. Hein. Bon festival. Moi, si tu pouvais faire apparaître quelques trucs devant moi, je serais contente. Ah bah, regarde. Ah bah... Fais-toi plaisir. Coquine, oh là là là, mon Dieu. Allez, aujourd'hui, on va parler dans Music News. Ouais, il est pire que moi, quand même. Dans Music News, on parlera de PNL, l'incroyable carton de leur dernier album. Ricky Martin aussi. Ricky Martin Jean. Oh, excuse me. Et de retour avec un nouveau clip. Là, pour débuter cette émission dans Caféine, on va débuter avec, bah oui, je l'ai dit deux fois, avec Neouda et puis Chris Cab pour Paradise. Et c'est toujours le paradis avec toi, JP. We all sing, what up?